82 ans, si vous nous avez appelé au 3210, ben vous avez gagné ces deux romans qui paraissent chez Albin Michel, Crime et Déluge et L'Enfer de l'Amour. Je vous offrirai la quiche fatale. Ah, volontiers. Écoutez, hein, oui, mon ami Woodstock et moi-même sommes assez tentés par la quiche fatale. On veut même bien la partager. Moi, je la prépare, premier volume. Merci, chers amis. On va tout de suite retrouver Julien Courbet et on retrouve donc l'équipe du 9h30, 11h. C'est bien l'équipe du 9h30, 11h, ah effectivement, oui, qui va vous aider à tenter de régler vos problèmes. Et nous avons pas mal de missions à effectuer ce matin. Première mission, celle de Philippe. Je vous appelle du Val d'Oise. J'ai versé un acompte de 10 000 euros pour un abri pour ma terrasse. Le jour de la livraison, la grue est trop courte pour passer l'abri par-dessus mon toit. De plus, l'entreprise n'a même pas constitué de dossier technique à déposer en mairie. On est bien embêté si la grue passe pas. Donc nous allons essayer de régler ça. Il y a le cas de Sandra également sur RTL. Je vous appelle des Bouches-du-Rhône. Mon mari a acheté un moteur qu'il a payé 1650 euros. Ce moteur émet un bruit anormal. Le vendeur était prêt à rembourser. Et depuis qu'il a appris que ce moteur avait été monté au Portugal, il ne veut plus rien savoir. Nous allons nous occuper de ce cas et bien sûr, il y a la Dream Team qui est là pour vous aider avec Maître Felono qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Négociation Bernard Sabat. Bonjour à tous. C'est vous Céline qui êtes au standard aujourd'hui. Et oui, bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont motivées pour vous aider à régler tous vos problèmes. Vous écoutez le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France sur la radio numéro 1 RTL. Merci à vous tous. Pour nous joindre pendant l'émission 3210 ou Facebook, la page, ça peut vous arriver. Toi, tu as l'air tout patraque, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. Nous accueillons Philippe sur l'antenne d'RTL. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Philippe, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Val d'Oise, d'Arnouville. Eh bien Philippe, il est grand temps de nous parler de cet abri pour votre terrasse à 41 283 euros. Nous vous écoutons Philippe. Oui, voilà, nous avons commandé un abri terrasse à la Foire de Paris en 2017. Et les conditions stipulaient qu'il devait être livré après la Foire de Paris de 2018 parce que c'était un modèle d'exposition que l'entreprise voulait faire voir lors de la Foire de Paris de 2018. Après cet achat, il était prévu deux visites techniques. Une première visite technique a bien eu lieu pour voir la faisabilité d'installation. Et lors de cette visite technique, le technicien m'a annoncé qu'il fallait une deuxième parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir bien acheminer l'abri, qui est d'une taille conséquente, par-dessus la maison ou du moins par un autre accès et qu'il fallait réfléchir à la question. Malgré mes nombreuses relances, aucune deuxième visite technique et d'autres problèmes, notamment sur la définition du produit qui changeait tout le temps. Donc du coup, la livraison a quand même eu lieu en mon absence, puisque la date a été avancée et que je n'étais pas là. Il y avait mon fils qui nous représentait à la maison. Et ce jour-là, ils ont bloqué la rue. Et avec une, bien sûr, sans avoir prévenu la mairie, puisqu'il n'y avait pas eu de dossier technique déposé en mairie. Et de plus, la grue était trop courte, ce qui fait que pendant 3 heures, la rue a été bloquée en essayant de passer l'abri par-dessus la maison. Et au bout de 3 heures, la police est intervenue et a fait arrêter les travaux. Alors c'est vrai que ça passe juste sous les câbles électriques, etc. On a une petite photo qu'on a mis en souvenir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, allez la voir. Donc Maître Felono, on va essayer de parler en langage télégraphique, qu'est-ce qui ne va pas dans ce dossier, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce que l'on peut faire pour aider. Philippe, c'est à vous. Alors ce qui ne va pas dans cette affaire, c'est le non-respect de la commande. Un an avant la livraison, en fait, cette société lui a dit c'est très bien, on va tout faire, on va fabriquer cet abri de piscine et on va, enfin cette véranda, je ne sais plus comment ça s'appelle, un abri de terrasse. Voilà, c'est la même chose, un abri de terrasse. Et on va en fait même l'exposer à la Foire de Paris. Et on vous le livrera juste après. En fait, quelques jours avant la Foire de Paris, ils s'aperçoivent que c'était pas du tout encore terminé. On lui demande des nouvelles spécifications, de choisir ci, de choisir ça. Ça voulait dire qu'en fait, l'abri, il n'était même pas prêt pour la Foire de Paris. Ils vont à la Foire de Paris, ils signent un avenant. Tout est prévu pour livrer dans à peu près 15 jours. Et ils attendent évidemment avec impatience cet abri de terrasse qui arrive à l'avance. Ils ne sont pas là. Et effectivement, ils découvrent que la police vient sur place, fait arrêter la livraison, que la voisine... Il n'y a pas eu de date de prise ? Non, il y a eu une date de prise. Le 10 mai, en fait, le type est venu le 9 en disant c'est le 9 ou rien. Alors il dit, oui, notre fils sera là, ok. Mais surtout, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il le découvre le jour même, c'est qu'il n'y avait pas eu de dépôt de dossier en mairie. Il y a un mois d'instruction lorsqu'on fait ce genre de travaux, qu'ils ont bloqué la rue sans autorisation et qu'ils sont passés par-dessus le toit de la voisine voisine. Et vous voyez sur les photos, allez voir vraiment Facebook, le toit, la véranda touche le toit de la voisine qui a poussé des hurlements en disant ça va pas, non, je vous interdis de passer par chez moi. Surtout si ça lâche, là, voilà. Ça fait du dégât. Il y a juste une véranda. Francis, dis-moi. Il y a une véranda là qui passe au-dessus de la maison. Est-ce que c'est normal? Julien, juste une précision. C'est le toit de ma maison. Parce que ma voisine refusait que ça soit gruté au-dessus de son toit. Et donc, c'est elle qui a prévenu la police. Ah, bon. Évidemment. Elle n'est pas prévenue. Elle n'est pas folle. Pas. À un moment donné... police, secours, j'écoute. Excusez-moi, monsieur, vous allez... Vous n'allez pas me croire. Je crois qu'il y a une véranda qui passe au-dessus de chez moi. Si c'est pour des appels comme ça, vous devriez laisser la police tranquille, madame. Bon, allez, on va appeler. Donc, ni fait ni affaire, Julien. Essayons de comprendre. Nous allons donner la parole à la partie adverse dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Nous nous donnons les détails que nous donne Philippe. Mais la moindre des choses, c'est d'appeler le professionnel en question qui n'aura peut-être pas la même version. Ça va se passer dans quelques instants. Philippe est énervé. C'est une mission qu'il nous a confiée et nous devons... bien sûr, mener cette mission à bout. A tout de suite sur RTL. Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse, la différence. Si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas. Et montés en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. C'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour deux pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Leclerc. Chérie, une Renault Twingo en location, 4 euros par jour chez Leclerc. Non. Si. Et pour 1 euro de plus, tu as une Renault Clio à 5 euros par jour. Non. Si. Et pour encore 1 euro de plus, une Fiat Tipo. 6 euros par jour pour une Fiat Tipo chez Leclerc. Non. Si. C'est parce que partir en week-end ne doit pas être une question de prix que chez Leclerc, la location de voiture est disponible à partir de 4 euros seulement. Hors frais kilométriques liés à chaque modèle, voire modalité et magasin sur le site location.leclerc. Twingo, Clio ou Tipo? Y'a quoi comme couleur? Chez Feu Vert en juin, on prépare les vacances avec Michelin. Jusqu'à 80 euros offerts pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin. C'est ça, la patte de l'expert. Modalité sur feuvert.fr. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos. Bravo, perdre du poids, c'est vraiment super. Mais le plus important, c'est quand même de pas le reprendre. Bah, je sais bien, ça fait 2 ans que j'ai arrêté Comme J'aime et j'ai pas repris. Ah, c'est génial, t'as fait comment? Grâce à Comme J'aime, j'ai repris de bonnes habitudes alimentaires. Avec Comme J'aime, dites adieu à l'effet yo-yo. Perdez du poids durablement en prenant de bonnes habitudes alimentaires. Cette semaine, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 350 euros. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous sommes toujours sur le cas cocasse, il faut le dire, de Philippe sur l'antenne d'RTL. Oui, il a commandé un abri pour sa terrasse à la livraison. La grue qui devait faire passer l'abri par-dessus son toit est trop courte depuis pas de nouvelles de livraison programmée. Donc Philippe veut le remboursement. Surtout qu'il y a eu des problèmes, puisqu'à un moment donné, ils ont voulu faire passer le toit là, par le toit de la voisine qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que... » Elle a appelé immédiatement la police qui est intervenue, qui a dit « Vous arrêtez tout. » Donc Philippe, aujourd'hui, n'a rien. On lui avait dit, c'est un abri qui servira à la foire de Paris, vous le paierez moins cher. Bref, beaucoup de flou dans ce dossier. C'est ce que nous dit Philippe, mais avant d'appeler quand même l'entreprise, Maître Fellonneau voudrait faire 2 précisions. Alors, Philippe, qui est très conciliant, qui s'aperçoit de toutes ces erreurs et du non-respect de ce contrat, il veut son abri de terrasse. Il a fait des fondations, il a fait des travaux pour préparer, pour recevoir cet abri de terrasse, et il s'aperçoit qu'effectivement, il faut faire un dépôt de dossier auprès de la mairie. 1 mois de délai d'instruction, lequel délai d'instruction ne sera pas tenu, étant donné que le dossier n'est pas complet, il manque les plans, le vendeur ne fait absolument rien, donc maintenant il en a marre, on le comprend, et il veut la restitution de son acompte. Alors évidemment, il y avait une solution, mais on ne m'appelle jamais dans ces cas-là. Parce que la grue, si tu la fais passer par-dessus le toit, c'est toujours compliqué, Philippe. Alors que j'ai breveté, personne ne m'appelle, tant pis pour vous, un système de catapulte. Vous mettez le toit sur la catapulte, vous visez l'endroit par-dessus la maison, la terrasse est derrière. Vas-y Dédé, t'as tiré l'élastique, un petit peu moins. Allez, on y va. Ben, tu l'avais pas assez tiré, Dédé! C'est un système, mais alors j'ai pas beaucoup de clients, je ne vous le cache pas. Nous allons donc appeler, si vous le voulez bien maintenant, le professionnel, afin d'en savoir plus, c'est parti. Nous appelons du côté de Passé, c'est dans le 35. L'entreprise s'appelle Exterior Design, aussi appelé West Piscine, à passer rue de Saint-Brieuc pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je me demande si bienvenue c'est pas Richard Clédard. Bienvenue chez West Piscine. Ne quittez pas, nous c'était lettre à quelque chose, non? À Élise. C'est pas la lettre à Élise, ça. La lettre à Élise, c'est pas Richard Clédermann. Et vous pensez aussi que c'est Victor Hugo qui a chanté « Vas-y, Francky, c'est bon ». Non, mais franchement, la lettre est lisse. Magali, bonjour. Je vous dirai ce que c'est après. Bonjour, Exterior Design, c'est Julien Courbet à l'appareil. C'est la radio RTL, ce n'est pas une blague, madame. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, peut-être Monsieur Provost ? C'est concernant le cadre du toit-terrasse de Philippe Poujard. Oh, il n'est pas joignable à ce numéro-là. À quel numéro peut-on le joindre, alors ? Je n'ai pas de numéro, là. Attendez, deux petites secondes. Il n'y a pas de souci. Vous récupérez peut-être Céline, oui, l'appel. Le temps que cette dame. Nous avons un autre numéro pour tenter de joindre cette personne. Alors, déjà récupérer cette dame. Soyons polis. Faites-lui les honneurs de la maison parce que elle a quand même battu un nouveau record, le record du. Alors c'est vrai, souvent quand on appelle et que quelqu'un cherche un numéro, est-ce que vous auriez peut-être le numéro de ce monsieur? Alors, non, je ne l'ai pas. Mais voilà. Mais là, c'était. Alors, la lettre à Élise, Bernard Sabat. Une catastrophe, ça n'a rien à voir. Oui, Julien, j'ai honte, Julien, j'ai honte. La lettre à Élise, c'est. Là, c'était Richard Clédermann. Bon, la lettre à Élise, là, c'était la balade pour Adeline de Richard Clédermann. C'est Richard, quand même. Et ça, c'est la lettre à Élise. Alors, attendez, ça ne veut pas dire que Richard Clédermann n'a pas de talent, mais nous ne confondons pas quand même les deux. Nous avons un deuxième numéro que nous allons pouvoir faire, s'il vous plaît. Oui. Céline, on y va. Toujours sur ce toit terrasse. Alors, attention aussi, les modèles d'exposition, les enfants. Mais ça, c'était fait sur mesure et exposé. Ne parlez pas comme ça non plus. Donc, c'était vraiment pour lui et ils en profitaient pour l'exposer. Okay. C'est ça l'ennui. Ah, ils lui ont dit, permettez-nous de l'exposer, elle est tellement belle. Exactement. Okay. Elle sera vos... Alors, oui, bonjour, monsieur Provost. Oui. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. J'espère ne pas vous déranger, monsieur Provost. Je suis avec. Impeccable. Avec Philippe Poujard. Impeccable. Parfait. Alors, Philippe semble avoir un petit problème avec son toit, je ne sais pas trop quoi. On voulait savoir sa véranda, comment pouvait-on arranger le coup ? Bah, il faut en refaire une. Il faut en refaire une ? Pourquoi ? Oui. Ouais, parce qu'il faut. Parce qu'il y a eu des mauvaises informations, on est obligé de refaire une pour. Que l'installation soit faite démonter chez le client. Mais comment ça se fait qu'il y a eu des mauvaises informations ? Vous n'étiez pas venu mesurer vous-même ? Si, si, on a quelqu'un qui est venu. Qui s'est planté. Sauf que le groutier n'a pas fait attention au niveau des câbles électriques et il n'a pas pu livrer l'installation. Alors, comme c'était prévu. Il vous a donné un acompte de 10 000 euros. Aujourd'hui, monsieur, vous pensez que le problème va se régler quand ? Le problème va se régler pour cet automne, pas avant. Pas avant cet automne. Alors, maître Félonneau. Parce que les usines, font de la saturation, donc on ne peut pas faire autrement. Et là, en plus, c'est une situation spéciale. Alors, Philippe veut prendre la parole. Philippe, je vous écoute. Alors, moi, si vous voulez, ça fait 2 ans que ça dure l'histoire. Deux ans presque, hein, puisque c'est, depuis 2017, ça fait un an. Un an, pardon. Ah bon, vous avez fait peur. Et j'ai complètement perdu confiance en l'entreprise, puisqu'à chaque fois, on change de produit, on ne répond pas à mes mails. Excusez-moi, j'ai un double appel, je vous reprends. Oui, allez-y. Bon, alors attendez, on va récupérer ce monsieur Bernard dans une seconde, parce que là, malheureusement, je comprends parfois les professionnels qui disent les usines sont débordées, on ne peut rien faire, mais là, il ne faut pas prendre de chef. Dans ces cas-là, il ne faut pas prendre de clients si les usines sont débordées. Là, il doit régler le problème. Surtout que moi, dans ces cas-là, pourquoi il ne m'a pas proposé un autre avenant, un autre contrat ? Bah ouais, là, il ne m'a rien proposé. C'est quand même pas la faute du client si celui qui est venu n'a pas vu qu'il y avait des câbles. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « j'ai trop perdu d'argent, je ne vous rendrai pas les 10 000 euros ». Là, il faut vraiment qu'Exterior Design a passé nous montre qu'il gère les dossiers vraiment sérieusement, parce que sinon, ça ne va pas donner envie d'aller acheter chez eux. Hein. Moi, ce que je constate dans cette affaire, c'est même plus une histoire de confiance. C'est que le délai prévu de livraison qui était après la foire de Paris s'est amplement passé. Hein. Ça devait être donc début mai. Après, pour des histoires de dossiers déposés en mairie, devait être avant le 1er juillet. Maintenant, on nous dit c'est en automne. c'est pas comme ça que ça se passe, un contrat. Quand on ne peut pas respecter la date de délai, de livraison, à ce moment-là, vous avez le droit de résilier le marché au tort du vendeur. Laissons Bernard parler avec ce monsieur et on va essayer de le ramener à la raison. Encore une fois, vous entrez, c'est des projets à 41 000 euros, il en donne 10 000, on lui donne pas de dossier technique, il ne l'a toujours pas, quelqu'un vient, s'aperçoit pas qu'il y a des câbles électriques, essaie de passer par-dessus le toit de la voisine, qui appelle la police, c'est pas sérieux. Tel que ça nous l'est raconté. Ce monsieur ne semble pas contredire Philippe, il dit, ben oui, j'ai quelqu'un qui s'est complètement planté, mais moi j'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant, les usines sont pleines, il va falloir qu'il attende l'automne, et Philippe, malheureusement, il a plus trop envie. On va voir ce que ça va donner dans quelques instants, le résultat de cette négociation sur RTL. Et on écoute Jean-Jacques Goldman sur RTL, avec On ira. Un jour on partira, si tu me crois belle. Un jour. C'était Jean-Jacques Goldman, on ira. Des nouvelles de la négo entre Bernard Sabat et le gérant de l'entreprise où Philippe a commandé son abri de terrasse. Ça sera juste après la pub. Et permettez-moi, le temps qu'elle arrive, de saluer mes amis de Port-la-Nouvelle, où je jouerai le one-man show le 6 juillet. 6 juillet à Port-la-Nouvelle. On va s'éclater là-bas en plein été, vous verrez. A tout de suite sur RTL. Et bonne journée à tous. Service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Enchaînez les virages et les kilomètres. Maîtrisez vos trajectoires. Adhérez totalement à la route. Ressentir cette sensation de sérénité absolue. Et surtout, appréciez la tenue de route reconnue de votre Peugeot, associée à des pneus en parfait état. Chez Peugeot, du 25 au 29 juin, bénéficiez de 50% de remise sur le deuxième pneu acheté. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Y'a le patron ? Oh là là, je râle bien. Ah, désolé, mais vous allez voir rouge patron. Hein. Aujourd'hui et demain chez Lidl, ils font la barquette de 500 grammes de tomates cocktail grappes à 1,49€. 1,49€ les tomates cocktail grappes ? Tu me mènes en bateau là ? Ah non, en barquette de 500 grammes patron. Et origine France, hein ? Ah oh, quand même, ça a tombé, non ? Ouais, dans les tomates, oui. On est mal, hein ? On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,98€ le kilo, catégorie 1, origine France. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalité en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Vous voyez le type qui rigole avec des gens là, sur l'aire d'autoroute ? C'est Vincent. Il est comme ça, Vincent, il aime les gens. Alors quand il a vu que Vinci Autoroute encourageait le covoiturage avec Blablacar, il a pris l'abonnement télépéage, temps libre, covoiturage, Vinci Autoroute. Depuis, il ne voyage plus jamais seul, Vincent. Et non seulement il passe du bon temps sur la route, mais en plus, son abonnement télépéage ne lui coûte rien quand il covoiture avec Blablacar. Il a tout compris, Vincent. Il réduit les frais et il multiplie les amis. Vinci Autoroute, roulons autrement. Offre soumise à condition. Disponible sur vinciautoroute.com. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot ? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil ? Pendant l'opération Fans de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25€ d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bien, avec cette histoire de véranda, il y a encore du nouveau. Rappelez-nous les tenants et les aboutissants, Charlotte, s'il vous plaît. C'est Philippe, l'abri commandé pour sa terrasse devait passer par-dessus le toit de sa voisine. Alors celle-ci a appelé la police qui a fait stopper le chantier. Puis de toute façon, la livraison n'aurait pas pu aboutir puisque la grue était trop courte. Et nous avons toujours M. Provost en ligne. Vous avez continué de discuter avec lui, Bernard Sabat. Oui, il me dit qu'il n'est pas le gérant, qu'il est que commercial. Ça, c'est le premier point. Et qu'a priori, dans les conditions générales, on ne peut pas annuler. Donc, il est à l'antenne. Posez-lui la question. Je ne sais pas quoi vous dire, ce Julien. Ce n'est pas une annulation. Attention. Ce n'est pas une annulation, n'importe quoi. Une annulation, c'est une résiliation du marché au tort du vendeur. Alors, pour monsieur, non-respect. Vous me garantissez que vous n'êtes pas le gérant. On avait vu ça pourtant sur la fiche de la société. Non, c'était changé il y a peu de temps, celui-ci de la valeur. Mais après, c'est pas le problème. Parce que si jamais il y a monsieur, il y a un procès, c'est le gérant qui ira. Oui. C'est pas ça. On a un problème de produit. Le client, c'est bien marqué dans les conditions générales de vente, ouais. Comme s'il y a besoin d'un goutier. Alors, voilà. Monsieur, dans les conditions générales, c'est une chose. J'ai bien entendu. Maintenant, il y a les conditions générales. Non, mais attendez, parce que c'est un monologue là. Allez-y. Un monologue. D'accord. Donc le client, il est venu sur le salon. Il a vu le nouveau produit. On a conclu un accord avec le nouveau produit qui n'avait rien à voir par rapport à ce qu'il avait commandé. Ensuite, il y a eu un rendez-vous qui a été pris avec le groutier. Il devait être présent. Monsieur, je vous laisse pas dire ça. Ça devait être le 10 et finalement vous avez dit ça sera le 9. Est-ce que c'est vrai ou pas? Que ça sera quoi? Ça devait être le 10. Alors de toute façon, nous avons le gérant en ligne, Monsieur Levasseur. Est-ce que vous pouvez me le passer, Monsieur Levasseur? M'entendez-vous? Allô? Oui, Monsieur Levasseur. La valeur, oui. Pardon, Julie, vous êtes le gérant de Extérieur Design à Passé? Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je vous appelle car... François, attends, laisse tomber, c'est encore une embrouille, ça, tu raccroches tout de suite, c'est une grosse embrouille. Qu'est-ce que c'est? Allez, François, raccroche-moi, ça. Qui c'est, François? C'est pas une blague, monsieur. Je pense que c'est le commercial qui Pardon dit... Pardon je pense que c'était monsieur Provost qui lui disait que c'était une embrouille. C'est Christophe Provost qui disait « Rabroche, c'est une embrouille » parce qu'il doit pas être au courant, peut-être. Je sais pas. Pourquoi vous lui avez dit ça, monsieur Provost? Ils ont raccroché les deux? Ah, c'est extraordinaire. Bon, alors, c'était Extérieur Design, on rappelle tout le monde. Ben, voyez, on voit un petit peu le contexte. Vous voyez où vous avez mis les pieds, oui. Philippe. Alain Hazard, rédacteur en chef. Alors, sur société.com, le président de cette société, c'est la société Lacamine, dont le président et le gérant est monsieur Prouveau. Oui. D'accord, alors, mais il dit que ça a été changé récemment. Alors peut-être qu'il nous dit n'importe quoi, on ne sait pas. On demande peut-être aux uns et aux autres de nous aider dans ce dossier pour qu'il n'y ait pas de confusion vu la tournure que prennent les événements. Nous parlons d'Extérieur Design, aussi appelé West Piscine, qui se trouve rue de Saint-Brieuc, 35-740 à passer, mais c'est la première fois sur l'antenne d'RTL que nous appelons quelqu'un, que nous pensons être le gérant, qui nous dit « Non, je ne suis pas le gérant, le gérant c'est M. Lehasseur. Moi je ne le suis plus depuis quelque temps. » On appelle M. Lehasseur et dès qu'il dit « Allô », là, le commercial qui est censé être le gérant mais qui ne l'est pas, dit à son gérant « Raccroche, c'est une embrouille !» Alors ça, c'est magnifique. Bon, alors là, Philippe, on est mal barré, je vous le dis tout de suite, mais nous avons encore foi en la négociation. Je vous donne la parole dans une seconde, Maître Felonio, qui me fait signe balançant les bras de droite à gauche, de haut en bas. Tout est en train de tourner, ça remue dans tous les sens. Il faut lui donner la parole, car elle a des choses à nous dire. Et puis on attaquera, bien sûr, après les infos sur d'autres cas, notamment lequel? Celui de Sandra, elle a payé 1150 € pour un moteur qu'elle a fait installer chez elle au Portugal. Depuis, le moteur émet un bruit anormal, mais le vendeur ne veut pas la rembourser sous prétexte que ce moteur a été monté à l'étranger. Ça se passe dans quelques instants sur l'antenne RTL. Vous pensez que mini rime toujours avec petit ? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380 € par mois, LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Conditions sur mini.fr. Leclerc. Chérie, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Du coup, j'ai pris des Volvic Juicy pour essayer. 2 bouteilles d'1,5 litre achetées, 2 bouteilles offertes. De la Volvic quoi? De la Volvic Juicy. De la Volvic aromatisée. Fraises, fruits du verger, fruits exotiques, agrumes, citronnades. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour 2 bouteilles d'1,5 litre de Volvic Juicy achetées, parfum au choix. 2 bouteilles offertes. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. On y goûte! Ah bah, hey. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Hé hey papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Drôme. Dans l'arrière-pays de Dieulefi, près de Montélimar, la maison Cavet affine depuis 3 générations ses picodons, un nom qui signifie « petit fromage piquant » en occitan. Si leurs picodons sont si bons, c'est aussi grâce à la qualité du lait des chèvres qui pâturent au grand air dans les montagnes. Feuilles d'aubépine et de noisetiers, lavande, tilleul, les chèvres se régalent et forcément, nous aussi. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud, plâtrier. Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons plus de 800 Master Grand Confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Merci d'avoir choisi RTL. Écoutez, on a un cas là sur une espèce de toit piscine extraordinaire à ne pas manquer. On y revient dans quelques instants sur RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Perdu. 10h. Les infos sur RTL, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. RTL vous l'a révélé ce matin, le lourd bilan des intempéries en France. Orages, pluie, grêle, coulée de boue, inondations. Entre le 25 mai et le 14 juin, le coût total des dégâts est estimé à 430 millions d'euros. Plusieurs milliers d'hectares de vignes ont été saccagés, ainsi que des champs de colza, de blé, d'orge totalement noyés. Les assureurs ont comptabilisé 214 000 sinistrés. Des attentats, des jouer contre des musulmans. Vaste coup de filet antiterroriste ce week-end dans toute la France, notamment en Corse. 10 personnes ont été interpellées au total, des personnes proches de l'ultra-droite radicale. Les suspects gravitaient autour d'un groupuscule dirigé par un policier retraité habitant en Charente-Maritime. En pleine crise européenne sur la question des migrants, le ministre de l'Intérieur italien s'est envolé pour la Libye ce matin où il doit rencontrer les autorités. Matteo Salvini est le premier membre du nouveau gouvernement populiste italien à se rendre sur place. Il a félicité la Libye hier soir d'avoir recueilli en mer et ramené sur ses côtes plus de 820 migrants. La question sensible des réfugiés a été abordée hier à Bruxelles lors d'un mini-sommet européen qui s'est achevé sans avancée concrète. Vladimir Poutine félicite Erdogan pour sa réélection. Le président russe salue la grande autorité politique de son homologue turc qui est parvenu à bout d'une opposition revigorée. Erdogan a été réélu dès le premier tour avec 52% des voix hier, ce qui lui permet d'étendre encore son pouvoir en supprimant par exemple le poste de Premier ministre. Et puis une forte secousse dans le sud de la Grèce, un séisme de magnitude 5,5 a été enregistré ce matin au large des côtes. Aucun dégât n'a été rapporté à ce stade. Vous aimez le fromage, la charcuterie, le bon vin, une cigarette de temps en temps, un petit peu de malbouffe aussi? Eh bien, vous avez tout faux. Tabac, alcool, mauvaise alimentation et obésité, ce sont les facteurs principaux de 40% des cancers en France. Des cancers qui seraient donc évitables selon Santé publique France et le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé. À Paris, la bourse ouvre en baisse ce matin, toujours dans le rouge actuellement, moins 0,75%. Le CAC 40 autour des 5347 points. Et puis le marché des collectionneurs de Star Wars, lui, se porte toujours aussi bien. Le pistolet laser de Han Solo dans Le Retour du Jedi a été vendu ce week-end à New York pour la modique somme de 550 000 dollars. La Coupe du Monde de football en Russie, vous voulez connaître le programme des matchs du jour? Il y en a quatre. D'abord à 16h, Arabie Saoudite, Égypte, mais aussi Uruguay, Russie. Ce sera en simultané. Et puis à 20h, également deux rencontres en même temps. L'Espagne contre le Maroc et puis l'Iran contre le Portugal. La météo cet après-midi, un temps calme et ensoleillé sur la plupart des régions. Quelques nuages en montagne qui pourraient donner une ou deux averses sur les Alpes du Sud et la Corse. Attention au Mistral le long du Rhône, on attend des rafales à 40-60 km/h. Les températures pour cet après-midi, 24 degrés à Lille, 26 à Paris, 29 degrés à Limoges, 33 le maximum pour Montauban. Les courses à Saint-Cloud, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 14, le 7, le 8, le 10, le 6, le 4, l'As, le 9. Et la dernière minute, c'est le numéro 8, Ortzadar. Il est 10h03 sur RTL. Sans plus tarder, vous retrouvez Julien Courbet. Merci beaucoup les infos. D'autres infos, bien sûr, tout à l'heure à partir de 11h. Point info sur une matinée qui a démarré sur les chapeaux de roue. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Avec le cas de Philippe. Il a payé un acompte de 10 000 euros pour un abri de terrasse qui n'a pas pu être livré. La grue était trop courte. Alors, nous avons téléphoné à Extérieur Design. Je le rappelle, nous tombons sur Christophe Provost qui est pour nous sur les sites dit officiel le gérant. Mais il nous dit, mais non, en fait, je suis plus le gérant, il y a un autre gérant, mais néanmoins, dans les conditions générales, il est spécifié que, voilà, Philippe sera pas remboursé puisqu'il veut le remboursement. Vu que, je le rappelle quand même, ils sont arrivés avec une grue, ont pris le toit, là, de la piscine, l'ont fait passer par-dessus la voisine, qui s'est mis à hurler, elle a appelé la police, qui a dit, on arrête tout. Parce qu'en fait, il n'y avait pas eu les bonnes mesures, et c'est ce qu'il a avoué d'ailleurs. Celui qui est venu n'a demandé aucune autorisation, etc. Donc du coup, on s'est dit, on va appeler le gérant. Et quand nous avons eu le gérant en ligne, le commercial qui était pour nous le gérant lui a fait « Raccrocher une embrouille !» Bref, et tout le monde a raccroché d'un coup. On parlait d'extérieur design qui se trouve à passer dans le 35. Alors pendant les informations, Julien, j'ai tenté les deux portables. Comme par hasard, aucun des deux maintenant ne répond, aussi bien le gérant que le commercial. De votre côté, Céline ? Eh bien, j'ai tenté un autre numéro pour essayer d'avoir le commercial. C'est un numéro qui nous a été donné par la standardiste que nous avions eu tout à l'heure. Elle m'a dit que Monsieur Prouveau était déjà en ligne avec quelqu'un. Alors, nous allons maintenant rappeler, si vous le voulez bien, pour lui donner la possibilité qu'il soit bien clair dans cet esprit que nous voulons absolument avoir l'avis du gérant, mais il faudrait qu'on sache qui est le gérant. Donc là, on appelle qui ? Là, on appelle Monsieur Prouveau, le commercial. J'aurais préféré l'autre, mais c'est pas grave. On va faire les deux. On fait les deux. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonjour Monsieur Christophe Provost, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL. Je vous ai appelé pour avoir votre point de vue sur le cas de Philippe Poujard. Je vous ai demandé si vous étiez le gérant, vous m'avez dit non. Vous m'avez dit que le gérant était un monsieur Levasseur que j'ai appelé et quand il a décroché, vous lui avez dit au téléphone « Raccroche, c'est une embrouille ». Voilà où nous en sommes avec Extérieur Design à passer. Nous voulons continuer à discuter avec vous afin que vos clients ne restent pas sur cette impression. Donc vous êtes prioritaire pour vous exprimer sur l'antenne d'RTL afin de nous donner votre version des faits, de nous dire qui est le gérant de cette société. Merci beaucoup, je vous laisse un numéro. Dans une seconde, nous allons laisser un message à Monsieur Lasseur, qui est ou non le gérant, et qui n'a même pas eu le temps de nous parler, puisque quelqu'un lui a dit « Raccroche, c'est une embrouille !» D'ailleurs, c'est un très bon titre de pièce de théâtre, à la Michaudière, jusqu'au 15 janvier, « Raccroche, c'est une embrouille !» En rire toutes les 15 secondes. Nous nous retrouvons dans une seconde sur ce dossier, puis on attaquera le deuxième. Ah oui, vous avez quoi à dire ? Oui, moi je vous dis qu'effectivement, il fait une... Il ne faut absolument pas se laisser embrouiller par ces arguments. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu livrer. Si ça avait été simplement une histoire de mauvaise grue, il aurait pu le refaire. Il ne peut pas livrer parce qu'il n'a pas en réalité les autorisations de la mairie. Il n'a pas fait de dossier technique. Il y a une instruction d'un mois. Il n'est pas capable de fournir les plans. Et donc, cet abri ne peut pas être livré dans les temps convenus. À ce seul motif, le marché est résilié au tort du vendeur. Alors, nous rappelons également que peut-être avez-vous travaillé avec Extérieur Design West Piscine à passer dans le 35-740. Ça s'est bien passé, dites-le. Ça s'est moins bien passé. Expliquez-nous aussi, vu que là, il y a des problèmes de véranda qui passent par-dessus le toit. Tiens, il y en a une là. On se garde. Tentez d'être livré. Encore raté. 10 mètres à gauche. A tout de suite sur RTL. Passons retrait à l'avant-centre qui tire et c'est le but. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose des cours particuliers, des cours en petits groupes et des stages de vacances. Bénéficiez d'une recommandation personnalisée pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Comprendre, ça s'apprend. À tout ça, toujours 100% à fond. Allez, direction le chantier. 2 heures de route sous la pluie. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz et ses aides à la conduite exemplaire. 100% sécurité, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, nous attendons des nouvelles de Extérieur Design, Christophe Provost ou Monsieur Levasseur, lequel est le gérant sur les sites tels que société.com. C'est toujours Monsieur Provost qui a dit à Monsieur Levasseur quand il a décroché cette phrase que nous avons pu retrouver, c'était il y a quelques minutes, quand Monsieur Levasseur répond, c'est normalement lui le gérant en disant « Oui, allô, voilà ce que lui dit son commercial ». François, attends, laisse tomber, c'est encore une embrouille, ça, tu raccroches tout de suite, c'est une grosse embrouille. Qu'est-ce que c'est ? Allez, François, raccroche-moi, ça va. Et il l'a fait, il a vraiment raccroché. Les deux ont raccroché. Vous vouliez dire Charlotte ? Oui, simplement, on a le nom de Monsieur Levasseur par Philippe, c'est en tout cas le nom qu'on lui a donné, mais quand on l'a appelé, Monsieur Levasseur a dit non, c'est Monsieur Lavaleur. Oui, Lavaleur, quelque chose donc comme ça. Donc on n'est pas oui. sûr de son nom. Oui, c'est pas sûr que ça soit un Levasseur, c'est peut-être Lavaleur. En fin de ah, c'est Lavaleur, Philippe. D'accord, oui, mais c'est de la valeur. J'ai dû me tromper de nom. Bon, alors la valeur, s'il s'agit bien de monsieur Lavaleur de Extérieur Design. Cas numéro 2, c'est parti, nous accueillons maintenant Sandra sur l'antenne d'RTL. Sandra, bonjour. Oui, bonjour. Sandra, oh, faites pas votre timide, Sandra. Je sais que derrière la petite voix que je viens d'entendre, il y a une femme en colère qui a envie que l'on règle son problème. Expliquez donc aux auditeurs d'RTL, Sandra, vous qui êtes à Fuveau dans le 13, le but de votre appel. Alors, nous avons acheté un moteur il y a à peu près un mois, un moteur garanti de 6 mois pour se prévaloir de tout problème. Et nous avons bien précisé au vendeur que le moteur allait partir au Portugal. Il n'y avait pas de souci. En montant le moteur, nous avons découvert qu'il ne tournait pas bien. Il nous a demandé de lui envoyer une vidéo, ce que nous avons fait. Il nous a dit très bien, je vais faire venir un transporteur, vous prendre le moteur et on vous rembourse. Et quand je dis attention, le moteur est au Portugal, vous vous souvenez, il m'a dit ah non, c'est pas dans la garantie. Ah d'accord, il y a une garantie qui dit que le moteur ne doit marcher qu'en France. Parfait, en tout cas il ne doit pas être monté au Portugal. Il a tort, parce que nos amis portugais ont d'excellents garagistes. Maître Felono, que peut-on dire là-dessus? Alors, ce que l'on dit, c'est qu'on regarde un peu la facture et il apparaît sur la facture la mention suivante. Le montage devra être réalisé par un professionnel, selon la règle établie, je suppose qu'il veut dire dans les règles de l'art. Il n'est pas indiqué, le montage devra être réalisé uniquement par un professionnel français en France. Parce que sinon, ce serait se rendre coupable de discrimination raciale. On peut encourir une sanction de 2 ans de prison et ou une amende de 30 000 euros. Donc, si vous voulez, c'est ajouter des termes à son contrat. Elle avait le droit de le faire monter par n'importe quel garagiste, n'importe où. Maintenant, si les frais de rapatriement sont majorés, effectivement, peut-être que là, on peut discuter. Mais là, il dit, ce n'est pas garanti. Tant pis pour vous s'il ne marche pas au Portugal. Eh bien, nous allons l'appeler dans une seconde. Sandra, laissez-moi préparer tout ça et nous allons avoir un dialogue avec ce professionnel. Il y a toujours cette histoire de toit véranda qui est passée par-dessus le toit de la voisine avec ce gérant qui n'est peut-être pas un gérant mais qui, quand on appelle celui qui n'est pas gérant, lui dit raccroche immédiatement, c'est une embrouille. Et puis il y aura un troisième cas. Celui de Michel, il a prêté 140 000 euros à une amie qui devait le rembourser sous 8 jours. Bah, c'est parce qu'on a parlé du Portugal, donc maintenant elle parle sous 8 jours. Sous 8 jours, alors. Et ça fait 10 ans et il lui manque toujours 30 000 euros. C'est Michel, j'adore les Michel. Tu venais d'avoir 15 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh Yesterday, Michel de Gérard Lenormand. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on va écouter. Cats and Trees, Keep on Dancing, c'est sur RTL. C'était Cats and Trees Keep on Dancing sur RTL. Nous allons appeler le professionnel qui a vendu le moteur au mari de Sandra après la pause. Ah, ces moteurs que l'on vend, qui ne sont pas les bons, ces compteurs trafiqués, les voitures nous posent problème, mais heureusement, nous pouvons appeler pour vous. Alors n'hésitez pas, faites tout de suite le 3210 et nous pourrons vous aider. Bonnes vacances, si c'est le cas. Parlez de Renault Pro Plus avec Valérie, restauratrice. Vous dites tout inclus pour mon trafic. Ça inclut vraiment tout. Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut les révisions, les plaquettes de frein, les pneus. Et si votre trafic est immobilisé, vous avez un véhicule de remplacement. Vous dites aussi tout équipé. Bien sûr, nous avons près de 1000 trafics grand confort disponibles. Tout inclus, tout équipé et tout de suite, ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Leclerc. Chérie, une Renault Twingo en location, 4€ par jour chez Leclerc. Non. Si. Et pour 1€ de plus, tu as une Renault Clio à 5€ par jour. Non. Si. Et pour encore 1€ de plus, une Fiat Tipo. 6€ par jour pour une Fiat Tipo chez Leclerc. Non. Si. C'est parce que partir en week-end ne doit pas être une question de prix que chez Leclerc, la location de voiture est disponible à partir de 4€ seulement. Hors frais kilométriques liés à chaque modèle. Voir modalités et magasins sur le site location.leclerc. Twingo, Clio ou Tipo? Y a quoi comme couleur? Ah, les vacances au village. VVF Village. Des formules qui donnent vraiment envie, à partir d'une nuit. Cet été, une semaine de vacances à 4 dans le VVF Village La Grande Plage à Barcarès, c'est seulement 749€. À 4, une semaine les pieds dans l'eau pour 749€. À ce prix-là, on s'y retrouve. Réservez dès aujourd'hui sur vvfvillage.fr. vvfvillage.fr. Au village, oh oh. Tarifs sous réserve de disponibilité pour 4 personnes en location du 25 août au 1er septembre. VVF Village est une association loi 1901. Hé hey papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Si je vous dis que chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est le sachet d'emmental râpé français Carrefour Bio à seulement 1€. Non mais 1€, le sachet d'emmental râpé bio au bon lait cru. Moi, j'hésite pas. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio français sans se ruiner. Jusqu'à samedi, chez Carrefour et Carrefour Market, le sachet d'emmental râpé français Carrefour Bio est à seulement 1€. Carrefour. 100 grammes, certifié agriculture biologique, détail produit sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Transporter jusqu'à 17 mètres cubes de marchandises et manœuvrer sans stress. C'est le savoir-faire du Peugeot Boxer avec son grand volume de chargement et sa caméra de recul. En plus d'être robuste, il est aussi très habile à vos côtés. En ce moment, le Peugeot Boxer Premium Pack avec navigation est à partir de 189€ hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Premier loyer 2640€ hors taxe. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec le cas de Sandra. Elle a payé 1650€ pour un moteur qui serait défectueux. Le vendeur ne veut pas la rembourser parce que le moteur a été monté chez Sandra au Portugal. Et c'est parti, nous allons maintenant donc appeler ce professionnel qui se trouve à Saint-Maurice-l'Exil. Saint-Maurice-l'Exil, c'est dans le 38. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien chez First Car. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur, vous êtes Rostom? Non. Ah, pardon. Alors, je me présente, je suis Julien Courbet, monsieur, c'est la radio RTL. Je vous appelle car j'ai Sandra Almeida qui est en ligne avec nous, qui a un petit souci avec un moteur qu'elle a acheté chez vous. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un interlocuteur pour pouvoir en parler? Alors, malheureusement, mon supérieur est à l'étranger. Je ne peux pas vous aider. Ouais. Donc après, est-ce que tu rentres d'ici à mercredi soir, Iran? Bon, alors on va le rappeler mercredi sur l'antenne d'RTL, mais peut-être qu'on peut essayer de lui envoyer un petit texto. Jeudi, alors dites-moi qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est Sandra qui vous a acheté un moteur. Le moteur apparemment fait un drôle de bruit et aujourd'hui, on lui dit qu'on ne lui remboursera pas car ce moteur a été monté au Portugal. D'accord. Il a été monté par un professionnel au Portugal. Bon, vous savez que la Portugal fait partie de l'Union européenne, ils ont des garages comme nous, etc. Et voilà. Et c'était, ça serait la raison qu'on lui donne, c'est ah non, comme vous l'avez monté au Portugal, c'est plus garanti. D'accord. Écoutez, la main comme ça, j'ai pas vendu. Il a été acheté quand ce moteur ? Il a été acheté le 2 mai 2018, facture numéro 645. C'est un moteur de TDI 140W type BPW. Voilà. C'est ce que j'ai sur une Audi A4. D'accord. Bon, alors écoutez, nous on va essayer aussi, si vous pouviez envoyer, comme on est à la radio, il sera peut-être content de savoir que vous avez cherché à le joindre. Si vous pouvez envoyer un petit texto à ce monsieur, c'est Raustom Mokrotar, hein, c'est ça le gérant ? Oui, tout à fait. Voilà, si vous pouviez envoyer un petit texto à Raustom Mokrotar, sinon mercredi on refera une émission là-dessus, mais c'est pour pas faire 40 000 émissions. Donc peut-être qu'il sera, si vous lui envoyez un texto, peut-être qu'il répondra, je vous laisse nos coordonnées. Bah, le problème, c'est que moi, il est à l'étranger. Je lui envoie en fait un message par WhatsApp. Donc, bah, envoyez-lui un petit WhatsApp. On verra bien s'il y répond ou pas. Voilà, bah, je l'enverrai. Et puis voilà. Bon, mais ça va. Et puis sinon, on va le rappeler. On le rappelle mercredi. Il n'y a pas de souci. Non, jeudi. Il rentre mercredi soir d'étranger. D'accord, ok. Bah, jeudi. Mais essayez quand même de lui envoyer un petit WhatsApp. Allez, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, Sandra, là, effectivement, si c'est le gérant qui s'en occupe, on va peut-être attendre. Il va lui envoyer, malgré tout, et nous aussi, un texto. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on ne peut pas lire ces textos. Et nous aurons des nouvelles, je l'espère, de First Car. Alors là, je suis obligé de donner un peu plus de détails parce que je pense que des First Car, si on tape sur Internet, on va en trouver des dizaines. Donc, c'est First Car 38. C'est le nom de la boîte qui se trouve rue Nicéphore Nips. Alors, dites-moi qui est allé chercher sur Internet, j'aimerais bien savoir qui était Nicéphore Nips. Et c'est à Saint-Mauril, l'exil, et le gérant, c'est Raustom Mokrotar. Difficile à prononcer, ah ben, c'est pas facile, hein, l'histoire. Exercice. Allez, nous allons savoir. Oui, Charlotte. Non, si vous voulez l'info, il a inventé la photographie. Non ! Eh oui. Bon, quel ignare je fais. mais non, mais je suis heureux d'apprendre quelque chose. Joseph Nicéphore Nips, né le 7 mars 1765 à Chalon-sur-Saône, à Saint-Loup de Varennes, là où il est mort le 5 juillet 1833, c'est un ingénieur français connu comme étant l'inventeur de la photographie. Eh ben, vous voyez, j'étais passé à côté, je lui présente toutes mes excuses à ce monsieur. C'est donc bien Nicéphore Nips qui a inventé la photographie et qui a donné le nom à cette rue où se trouve First Car 38. Écoutons un peu de musique avec John Paul Young et ce fameux Love is in the air sur RTL. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but

semaine. Donc c'est vrai qu'il a intérêt à le rembourser parce que ce n'est pas une grosse somme, mais c'est parfois on a l'impossibilité de rembourser et pour autant on n'a pas quand même en prison. Je vous taquine, mais vous savez que je vous aime beaucoup, que je trouve que vous êtes la plus belle et la plus compétente. Mais pourquoi vous riez bêtement? Je ne sais pas, c'est moi, c'est Nathalie. Hein. Ah ben quoi? Oh ben non. Alors nous allons, si vous le voulez bien, attaquer le cas de Michel tout de suite dans quelques instants. Peut-être l'écouter au moins. On va prendre Michel au téléphone. Bonjour Michel. Bonjour Julien. Alors mon Michel. Et bonjour à toute votre équipe. Et bonjour à vous Michel, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Aix-en-Provence, la cité du roi René. Oh c'est très joli Aix-en-Provence, c'est magnifique. On y va, je vous écoute Michel. Ah ben écoutez, Julien, je vous appelle des Bouches-du-Rhône parce que j'ai prêté il y a 10 ans environ à une amie de Toulon qui devait ouvrir un salon d'esthétique. Je lui avais emprunté dans 140 000 euros. À ce jour, elle me doit encore 30 000 euros. Et en dépit de mes relances continues, je n'arrive pas à récupérer mon argent. Et mieux que ça, maintenant, elle joue un peu l'autruche et quand je l'appelle, elle ne répond pas. Voilà. Dites-moi, vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait, je veux dire, vous n'êtes pas passé devant un notaire avant de lui prêter, vous lui avez prêté comme ça? Ah non, je lui ai prêté, mais j'ai une reconnaissance de dette qu'elle m'a signée. Ça, je sais bien. Avec cette reconnaissance de dette, j'ai sollicité le tribunal de grande instance de Toulon, qui a délivré une ordonnance de payer dans le cadre de la procédure injonction. Alors, de sachez-le, payer. Parce que là, on parle en plus de 140 000 euros. C'est la première fois que je vois une somme pareille. D'habitude, c'est des sommes de 10, 20 000 euros. Mais à 140 000 euros, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, mais vous n'avez même pas le choix. Même pas le choix, vous allez chez un notaire signer l'acte, car le notaire va immédiatement dire à la personne en face, vous voulez qu'il vous prête 140 000 euros ? Aucun problème. Je vois que vous avez une voiture, on met la carte grise en gage. Je vois que vous avez un appartement, je le mets en gage. Et là, je peux vous dire que la personne, elle dit, ah ben non, ça ne m'intéresse pas. Mais dans ces cas-là, il ne vous prêtera pas. Et d'autre part, si jamais elle ne répond pas, immédiatement elle ne rembourse pas, l'huissier entre en lice. Mais vraiment, 140 000 euros, ça ne peut pas se prêter. Alors comme là, ça. En fait, c'était lié à une exploitation d'un commerce. Donc, il était facile de demander ce qu'on appelle un nantissement de fonds. Ça vous permet de. C'est bien le sûr. Fonds de commerce qui devient votre gage. Et ça aurait été une bonne idée parce que, en fait, cet argent n'a jamais été destinée, d'après ce que nous dit Michel, n'a pas été investie dans ce salon d'esthétique. Elle en aurait fait autre chose. Elle a fait des travaux de rénovation dans un bâtiment qu'elle comptait revendre. Bref, c'est vrai que pour lui, ça a été vraiment une galère de se faire rembourser. Je vais vous poser une question, Michel. Allez-y. Et je vais vous demander d'y répondre honnêtement. Est-ce que vous avez l'impression, Michel, qu'elle vous a pris pour un couillon? Absolument. On est d'accord. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Merci. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia. Oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Belle matinée sur RTL. Passons au retrait à l'avant-centre qui tire et c'est le but. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose dans ses 110 centres des stages en petits groupes pour reprendre le rythme en douceur avant la rentrée. Réservez vite une place pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Comprendre, ça s'apprend. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Si je vous dis que chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est le sachet d'Emmental râpé français Carrefour Bio à seulement 1 euro. Non mais 1 euro, le sachet d'Emmental râpé bio au bon lait cru. Moi, j'hésite pas. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio français sans se ruiner. Jusqu'à samedi, chez Carrefour et Carrefour Market, le sachet d'Emmental râpé français Carrefour Bio est à seulement 1 euro. Carrefour. 100 grammes, certifié agriculture biologique, détail produit sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. On en parle. Darty propose des solutions de livraison pour répondre à tous les besoins de ses clients. Comment se passe une livraison? Comment choisir son créneau? Que devient l'ancien appareil? On en parle avec Romain, livreur Darty, dans un instant. On en parle. Pendant les vacances, vous allez sûrement attendre votre tour au péage, la vague, le vendeur de glace, un transat disponible, le petit vent frais du soir. Au moins avec Jeep, vous n'attendrez pas avant les vacances. Profitez d'une très large gamme de SUV Jeep disponible immédiatement avec Ready to Drive et bénéficiez d'une remise jusqu'à 6000 euros sur Jeep Compass. Jusqu'à 6000 euros de remise non cumulable avec d'autres offres en cours, valables jusqu'au 31 juillet sur une liste de Jeep Compass identifiée en stock selon modèle et motorisation. Réservée aux particuliers sous conditions de reprise. Ready to Drive, prêt à partir. Détails sur Jeep.fr. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil? Pendant l'opération Fan de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous aidons Michel. Et c'est terrible parce que vous voyez, quand vous prêtez 140 000 euros à une personne, je crois que la moindre des choses, c'est de lui dire merci et encore merci et encore merci. Et là, comme dans tous les dossiers que nous traitons sur l'antenne d'RTL, ce qui rend fou Michel, c'est le dédain. C'est pas qu'elle ne puisse pas forcément rembourser à l'instant T, c'est que vous n'avez plus aucune nouvelle, Michel, on est d'accord? Absolument, c'est l'autruche. Ouais. Et ça, c'est terrible, maître Félonneau. Alors, effectivement, parce que moi, j'ai dans les mains une décision qui est définitive, c'est une ordonnance du tribunal de grande instance, qui date du 30 septembre 2015. Michel, il est sympa, il a attendu l'année d'après pour envoyer un huissier pour essayer de saisir son compte bancaire et qu'il n'avait pas assez de fonds dessus. Et effectivement, ensuite, il se met d'accord en disant, écoute, donne-moi au moins 100 euros par mois. Eh bien, rien. Ouais. Donc, effectivement, il faudrait faire entendre raison à cette personne. Est-ce qu'elle fait quoi aujourd'hui, Michel? Alors, cette personne a une double activité. Elle a une boutique de produits de décoration et une deuxième activité de négociatrice immobilière. Vous voyez que, alors on ne sait pas si ça marche ou si ça marche pas, mais elle n'est pas à la rue complètement, Charlotte. Ah non, mais elle a des revenus, c'est certain, ouais. Bien sûr. Alors, Charlotte. Et en plus, ces deux activités sont situées à la même adresse. Il faut aussi savoir que cette agence immobilière qu'elle aurait fait partie d'un réseau qui est très connu. Bien sûr. Alors, on va pas aller jusque-là. La FNAIM. Voilà, hein, oui, voilà, vous l'avez dit. Hein, on a tout fait pour éviter, mais vous avez bien fait. À un moment donné, Michel, il faut dire les gens, mais ça ne change rien. Nous allons l'appeler pour essayer de l'avoir. Que se passe-t-il, Bernard? Petite précision, le réseau La FNAIM, c'est la garantie financière des agences immobilières. Ce n'est pas un réseau avec une labellisation comme Century 21 ou d'autres marques. Ce n'est pas une enseigne. Voilà, exactement. Non. C'est la garantie financière comme il y a la PST. D'accord. Pour le voyage. Ça montre qu'elle exerce de façon légale. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour lancer cet appel pour Michel. Et puis, en fin d'émission, il faudra revenir sur cette véranda et cette histoire hallucinante, hein, puisque nous avons quand même eu quelqu'un. Rappelez-nous déjà ce qui s'est passé pour Philippe. Oui, l'abri de terrasse qu'il avait commandé n'a pas pu être livré. Non seulement la grue prévue pour la livraison était trop courte, mais en plus la déclaration de travaux n'a pas été déposée en mairie. Aujourd'hui, ils ne veulent pas le rembourser. On appelle quelqu'un qui nous dit « Ah mais non, c'est pas moi le gérant », alors que sur les sites officiels, il y a marqué « C'est lui le gérant ». Alors on dit « Puisque c'est ça, monsieur, restez en ligne, on va appeler le gérant ». Et quand le gérant, le censé gérant, décroche et dit « Allô », l'autre lui fait « Raccroche tout de suite, c'est une entourloupe !» Et tout le monde a raccroché maintenant. C'est terminé, plus personne ne nous répond. On essaie d'avoir Extérieur Design, West Piscine. D'ailleurs, on ne l'a pas rappelé le gérant, il faudra le faire. Moi, je l'ai rappelé, Bernard, je l'ai recontacté hors antenne. J'ai laissé un nouveau message avec le numéro de téléphone du studio. Bernard. Juste après la musique, Julien, j'aurai des infos à vous communiquer car j'ai eu l'assistante qui travaille dans les locaux. Alors, dans quelques instants, du nouveau pour cet abri de piscine. Non, c'est pas un abri de piscine, c'est un toit piscine. Un abri de terrasse. Et ensuite, mais très gros. L'appel pour maintenant notre ami qui a prêté plus de 100 000 euros. Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Juliette Armanet, révélation, l'Indien, second extrait de l'album Petit Ami, album découverte de l'année aux dernières victoires de la musique, et c'était sur RTL. Entre 9h30 et 11h, votre émission la plus écoutée de France. Alors merci d'être avec nous sur RTL. Alors, du nouveau, on revient déjà sur le cas de ce... on ne sait pas comment l'appeler, l'abri de terrasse, allez. Oui, l'abri de terrasse qu'il a commandé, il a payé un acompte de 10 000 euros, et l'abri n'a pas pu être livré puisque la grue était trop courte. Très bien, et puis alors surtout, il y a eu plein de galères, il n'y a pas eu de dépôt à la mairie, de permis, etc., de demande d'autorisation, donc la police est arrivée à dire on arrête tout. Et maintenant, le client se retrouve avec rien. Où en est-on, s'il vous plaît, Bernard ? Alors, je suis tombé sur une charmante dame qui travaille depuis longtemps au siège. Elle ne comprend pas la position de Christophe Provost, car pour elle, il est le gérant et non pas le commercial. Et monsieur Lavaleur, qu'on a eu tout à l'heure, lui, c'est le responsable de la boutique de Rennes. Donc, c'était un petit peu surprenant. Elle-même était surprise de cette dialectique des uns et des autres. Quel gérant pour elle ? Pour elle, c'est Provost. Elle est catégorique. Donc, il nous aurait. On ne dit pas que c'est le cas, mais il aurait pu nous enfumer quand même un peu. Mais si jamais il a fait son changement, dans ces cas-là, ce n'est pas le gérant, c'est ce qu'il dit lui, c'est sa version. JB. Oui, pour corroborer les propos de Bernard, je peux vous dire que je suis allé sur le profil LinkedIn de ce monsieur, François Lavaleur. Il est responsable d'agence construction piscine chez West Piscine, donc à Rennes, effectivement, du côté de Passé. Et il est aussi commercial piscine intérieure depuis avril 2009, et ce jusqu'à aujourd'hui, c'est bien noté. Avril 2009 à aujourd'hui, alors, chez West Piscine. Je rappelle que quand on a demandé à Christophe Provost, êtes-vous le gérant ? Il a dit, oh là, je l'ai été, mais là, depuis peu, je ne le suis plus. Enfin, nulle part, nous n'avons de trace de ça. Nous continuons là-dessus et nous n'allons pas lâcher l'affaire qui, à mon avis, va nous permettre de trouver du pétrole. Là, tout de suite, c'est l'appel téléphonique à cette dame qui a pris combien ? 140 000 euros. Elle en a remboursé une partie quand même, il faut le dire, plus de 100 000, mais elle lui doit encore 30 000. Et aujourd'hui, elle a certainement décidé que ça suffisait puisqu'elle ne lui donne plus aucune nouvelle alors qu'elle aurait deux métiers, une boutique et elle serait également, elle ferait du courtage. Oui, agent immobilier, carrément. Immobilier. Bon, c'est parti, on l'appelle. Attention. On a le numéro de l'agence immobilière, parce que là, on aurait peut-être c'est quelqu'un. C'est au même endroit, même adresse, même numéro. D'accord. C'est celui que nous sommes en train de composer. La Dacia, bonjour. Oui, la Dacia, bonjour. Dominique. Vous êtes bien Dominique Non, c'est pas Dominique, c'est sa collaboratrice. Okay. Alors, attendez, bougez pas une seconde, madame, parce que je crois que j'ai Dominique sur une autre ligne. Ne bougez pas. Dominique, vous m'entendez ? Allô ? Oui, Dominique. Oui. Oui, Julien Courbet, c'est la radio RTL. Au moment où je vous parle, Dominique, nous sommes sur l'antenne d'RTL avec Michel Cour qui nous dit « J'aimerais bien récupérer mes 30 000 euros et je voulais savoir si vous aviez la même version que lui. Il vous a prêté, je crois, 140 000, vous avez remboursé 100, il manque 30 et il me dit « J'ai pas de nouvelles ». Il est en ligne, il vous écoute. Vous êtes qui ? Alors, je répète, c'est la radio RTL. Je suis Julien Courbet, j'anime une émission où Michel m'appelle en me disant « J'ai prêté à Dominique Donny 140 000 euros depuis 2007 et les 30 derniers 1000 euros, elle ne me les rembourse pas. » Il est en ligne. Dominique, pouvez-vous lui dire bonjour ? Oui, je peux dire bonjour. Non, Michel, pouvez-vous dire bonjour à Dominique ? Excusez-moi. Oui, bonjour Dominique. Oui, ben écoute, devant ton silence, j'ai été amené à solliciter Julien Courbet pour que cette affaire soit enfin résolue. Voilà, et qu'on trouve une solution durable de telle sorte que une sortie honorable. Sachant que ce qui l'ennuie, c'est qu'il n'ait pas de nouvelles, madame. Après, on peut comprendre qu'on ne puisse pas tout rembourser d'un coup. Il a très bien des nouvelles. Non. Il a des nouvelles ? Oui, il a des nouvelles. Donc, vous lui devez ou pas les 30 000 ? Il y a un que je ne peux pas. Et il a oublié aussi de déduire des tas de choses. Ah. Et puis je ne peux pas parler de ça en ligne. Bah nous on continue, madame. Donc moi je vous donne la possibilité d'en parler. Si vous ne voulez pas, nous on continue l'émission avec la Dacia. Hein. Donc est-ce que Michel, il y a des choses que vous avez oublié de déduire ? Je veux bien déduire des choses. Mais quoi ? De quoi s'agit-il, Michel ? Ah, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, pourquoi voulez-vous déduire des choses si vous n'en savez rien ? Je n'ai aucune facture d'elle. Si j'avais des factures, je pourrais les déduire. Mais comme je n'en ai pas... Ah, mais alors, attendez. Vous n'avez pas de facture, mais ça veut dire qu'il y a eu des transactions entre vous ? Il y a eu des arrangements ? Elle a raccroché. Pas du tout. Il n'y a rien eu. Je ne sais pas à quoi elle fait allusion. Bon. Bah alors, dans ces cas-là, Michel, écoutez-moi. Calmez-vous, Michel. Vous ne pouvez pas dire, moi, je veux bien rembourser s'il y a des factures. Voilà. Il n'y a rien. Vous lui avez prêté sec. En n'échange de rien. Absolument. Bon, alors ok, là elle a raccroché, donc moi je redonne la possibilité à Dominique Donny, qui est magasin du meuble, et de l'agence immobilière La Datcha, qui se trouve rue Jean Jaurès à Toulon, de bien vouloir prendre très vite contact avec Michel Cour. Soyons clairs, hein, cette dame a un magasin de meubles, elle ne vous a pas donné des meubles, enfin, sans vous les faire payer par exemple. Absolument pas. Elle vous a pas fait une transaction immobilière, elle vous aurait pas aidé sur un truc, rien. Pas du tout. Pourquoi l'huissier n'intervient pas alors s'il y a du professionnel? Alors, parce que c'est perso? Alors, c'est une dette qui a été faite à titre personnel, effectivement. Lui, il a saisi le compte bancaire personnel de cette dame et il n'a pas trouvé de fonds suffisants. Donc là, on en est là. Alors maintenant, l'huissier, on pourrait retourner, lui demander de saisir alors, à chaque fois, mais ça coûte. On va demander à Maître Fix hors antenne de bien vouloir appeler l'huissier qui s'occupe de ce dossier et on va essayer quel moment est gentiment de donner la parole une nouvelle fois à Dominique Donny pour qu'elle puisse nous dire ce qui se passe, parce que là elle lance un truc, il ne vous a pas tout dit, c'est un truc qu'on entend depuis 20 ans et depuis 20 ans on entend soit c'est en cours, ce qui ne veut strictement rien dire, c'est en cours, ce qui veut dire quelque chose, c'est j'ai envoyé un courrier en disant à ce monsieur que j'allais le payer dans 2 mois, ou j'ai dit à ce monsieur que je ne le paierai pas, mais c'est en cours, ça veut rien dire. Et le deuxième truc, c'est il ne vous a pas tout dit. Alors s'il ne nous a pas tout dit, dites-nous-le, parce que lui, oui. Michel, il dit il n'y a rien. Je ne lui dois rien. Voilà, c'est pour ça que Madame Donny, du magasin La Datcha à Toulon, qui est également une agence immobilière, doit nous rappeler au plus vite. Je vous confirme, Julien, que ça sonne dans le vide. Il n'y a pas de messagerie sur son portable. Bon, chantez-lui La Datcha, je te veux si tu veux de moi, qui est une célèbre chanson. Que tu veux chanson. De moi, Datcha. Michel, laissez-nous avancer dans ce dossier. Je vous en dis plus. Charlotte va vous tenir au courant, mais on ne lâche pas l'affaire, bien évidemment. Bon, mais c'est très, très aimable de votre part. Je vous en prie, à très très vite à Toulon. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Beaucoup, Julien et toute l'équipe. Merci. Nous nous retrouvons dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Au revoir. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Si je vous dis que chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est le sachet d'emmental râpé français Carrefour Bio à seulement 1 euro. Non mais 1 euro, le sachet d'emmental râpé bio au bon lait cru. Moi, j'hésite pas. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio français sans se ruiner. Jusqu'à samedi, chez Carrefour et Carrefour Market, le sachet d'emmental râpé français Carrefour Bio est à seulement 1 euro. Carrefour. 100 grammes, certifié agriculture biologique, détail produit sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que vous avez croisé votre ami d'enfance au volant de sa très chic Peugeot 108 ultra personnalisable avec écran tactile, vous tenez absolument à la conduire et connectez votre smartphone avec Mirror Screen pour lui faire écouter votre playlist. En ce moment, la Peugeot 108 style suréquipée est à partir de 79 euros par mois avec écran tactile et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 850 euros, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Et vous, c'est quoi votre défi avec les plaques Habito de Placo? J'ai un client toqué de cuisine. Alors pour accrocher 300 kilos de meubles au mur, il fallait la bonne recette. Heureusement, maintenant, il y a Habito, la seule plaque capable de supporter 60 kilos par point de fixation. Défi relevé. Professionnel, découvrez la plaque Habito dans votre point de vente et sur placo.fr. Placo, une marque de Saint-Gobain. C'est aujourd'hui qu'on voit les experts EOVI MCD Mutuel. Oui. Mais ils viennent ici? Oui. Et ils vont m'aider? Oui. Et ils ont vraiment une complémentaire santé adaptée à notre entreprise? Oui. Et ce sera rapide? Oui. Et ils vont aussi mettre en place des actions de prévention santé? Oui. Et moi, qu'est-ce que je dois faire alors? Vous pouvez prendre un petit café, par exemple. Ah oui. Voilà. Avec EOVI MCD Mutuel, des experts vous accompagnent au quotidien pour la santé et le bien-être de votre entreprise. On vous prévient, au début, ça va vous faire bizarre de lâcher enfin prise. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Écoutons deux écureuils en pleine discussion. Tu sais qu'en ce moment, les humains économisent 40 euros sur les Total Pelé Premium qu'ils mettent dans leur poêle à granulés. Wow. Et en plus, ils se les font livrer au plus près de leur lieu de stockage. Et tu crois que chez Total, ils livrent aussi des noisettes? Pouh, t'es vraiment trop bête, toi! Commandez vos Total Pelé Premium sur total-proxy-energie.fr. Et en ce moment, avec les prix d'été, faites 40 euros d'économie sur chaque palette. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'accessibilité en France métropolitaine, voire conditions sur le site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le point info de l'émission, c'est après AA, Take On Me sur RTL. AA dans le 9h30-11h, Take On Me. Mesdames et messieurs, ce fut une émission très très riche. Voici ce qui s'est passé, ce qui veut dire que demain, après-demain, vous allez entendre parler de nouveau de ces cas. C'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Premier cas, celui de Philippe, énorme. Il a commandé un abri de terrasse qui n'a pas pu être livré. Il souhaite le remboursement de son acompte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, impossible d'avoir une réponse pour savoir même qui est le gérant de cette société. Bien sûr, nous avons téléphoné, nous avons essayé de savoir qui était le gérant. Nous avons eu une première personne qui nous a dit « Non, je ne suis plus gérant, c'est Christophe Provost. Appelez Monsieur Lavaleur, qui est le nouveau gérant. » Nous avons appelé Monsieur Lavaleur et quand il a décroché, Christophe Provost était encore en ligne. Il lui a fait « Raccroche vite, ne parle pas !» Les deux ont raccroché. C'est une embrouille. C'est une embrouille. Nous n'avons jamais plus de nouvelles. Écoutez bien ce qui s'est passé. François, attends, laisse tomber. C'est encore une embrouille, ça. Tu raccroches tout de suite. C'est une grosse embrouille. Qu'est-ce que c'est? Allez, François, raccroche-moi, ça. Voilà, donc on essaie maintenant d'en savoir un petit peu plus avec Extérieur Design, West Piscine. Ça se trouve à Passé 35 740, rue de Saint-Brieuc. En attendant, Philippe a besoin de savoir s'il va être remboursé ou non et si ces gens-là sont sérieux ou non. Merci, on y revient bien sûr très rapidement. Cas numéro 2. Sandra, son moteur acheté il y a un mois fait un drôle de bruit, mais le vendeur lui dit que la garantie ne fonctionne pas parce que le moteur n'a pas été monté en France. Cette fois-ci, nous avons eu First Car 38 qui se trouve à Saint-Maurice. C'est l'exil rue Nicéphore Niepce qui, je vous le rappelle, a inventé la photographie. Où en est-on, Bernard ? Le commercial a dit que son patron était à l'étranger. Il rentre dans 48 heures, donc on l'aura dans les 3 jours qui viennent. Raoustom Mokretar. Pourquoi ? Parce qu'on a dit à Sandra, on ne va pas vous rembourser votre moteur qu'on aurait dû vous rembourser parce qu'il a été monté au Portugal. Pas très sympa pour nos amis portugais, sauf s'il prouve que ça a été monté par un particulier. Oui, alors là, attention. Il faut donc que Sandra ait un papier officiel d'un garagiste. Puisque... Elle l'a. On voilà. A dans le dossier la facture d'un garagiste portugais. Voilà. Un garagiste portugais tout à fait capable de monter un moteur, sauf s'il n'aime pas les Portugais chez First Car 38, ce qui m'étonnerait vraiment. Donc, sur les conditions générales, il est marqué que ça doit être monté par un professionnel, mais pas par un professionnel français en France. Français. Ça aussi, nous aurons du nouveau très rapidement. Et enfin, Michel, en 2007, il prête 140 000 euros à une amie qui n'en est plus vraiment une, puisqu'à ce jour, elle lui doit encore 30 000 euros. Nous avons appelé cette personne, Dominique Donny, qui a le magasin de meubles La Dacha, mais également la agence immobilière qui porte le même nom, qui dit effectivement je dois, mais il ne vous a pas tout dit, il a oublié de déduire des sommes. Exactement, et puis notre ami Michel a dit moi je lui dois rien, on ne se doit rien, ouais. Et elle a raccroché et on ne peut pas lui laisser de message. Donc, mais par contre elle a une agence immobilière à Toulon. Bien sûr Madame Donny, n'hésitez pas à nous rappeler, vous êtes prioritaire pour nous dire que Michel nous ment, à vous de nous amener les preuves qu'il vous doit vraiment de l'argent que vous pourriez déduire des 30 000 euros que vous lui devez. Tous ces dossiers sont à suivre sur RTL, plus des nouveaux si vous nous appelez au 3210. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Hé hey papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Leclerc. Chérie, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Du coup, j'ai pris des Volvic Juicy pour essayer. 2 bouteilles d'1,5 litre achetées, 2 bouteilles offertes. De la Volvic quoi? De la Volvic Juicy. De la Volvic aromatisée. Fraises, fruits du verger, fruits exotiques, agrumes, citronnades, pêche. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour 2 bouteilles d'1,5 litre de Volvic Juicy achetées, parfum au choix, 2 bouteilles offertes. Voir modalité et magasin participant sur www.1.leclerc. On y goûte. Ah ben, hey. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Merci à toutes les équipes d'Alain Hazard, Charlotte, JB, Céline, Maître Felloneau, Bernard Sabat. Nous faisons tout pour vous aider chaque matin entre 9h30 et 11h. Et nous allons recommencer très prochainement. Vous écoutiez le 9h30-11h, l'émission la plus écoutée de France sur la radio numéro 1 qui fait tout pour vous aider. Belle journée à vous tous. What's the sense in sharing this one and only life? Oh, elle est bonne!